Alors, chers amis, nous allons continuer en fait avec la suite de notre programme. Précédemment, nous avons parlé de toutes les étapes nécessaires depuis le choix de la niche jusqu'aux décisions. Alors maintenant, il conviendra maintenant de tout simplement développer en fait chaque point. Développer chaque point, c'est que nous allons prendre les points 1, 2, 3 et tout. Et en fait, sous chaque point, en fait, il y a énormément de compétences ou bien de notions en fait à avoir à ce niveau. Et donc, par rapport à ça, le premier point en fait autour duquel nous allons travailler, c'est bien sûr le choix de la niche, parce que ça commence par là. Donc déjà par rapport en fait au choix de la niche, déjà vous devez savoir que ça tourne en fait autour de trois modules. La niche, elle tourne autour de trois modules. Ouais, le premier module de la niche, c'est d'abord l'introduction. On a d'abord fait une brève introduction. D'abord, introduction au choix de la niche. Dans le module 2, nous allons parler de recherche de la niche. Et dans le module 3, nous allons parler de la passion et de l'intérêt. On se comprend. Alors, par rapport au module 1 qui est l'introduction en fait au choix de la niche, vous devez d'abord connaître d'abord l'objectif. Savoir ici l'objectif du module de l'introduction en fait au choix de la niche, c'est quoi? C'est de comprendre l'importance de choisir la bonne niche pour le succès en fait, pour votre succès en e-commerce. L'introduction au choix de la niche, l'objectif en fait ici, c'est de comprendre l'importance de choisir la bonne niche pour le succès en e-commerce. Donc, ce module 1 va tourner autour de, disons, deux leçons. Oui, deux leçons. Nous aurons deux leçons ou deux points, c'est vous qui voyez. Deux leçons ou deux points. Et donc, module 1, leçon 1, la niche, choix de la niche, bien sûr. Module 1, introduction au choix de la niche. Leçon 1, qu'est-ce qu'une niche? Leçon 2, avantages et inconvénients de l'affiliation Amazon par rapport à une niche. Donc, en leçon 1, on a dit qu'est-ce qu'une niche. Vous devez tout simplement savoir, connaître à ce niveau en fait la définition d'une niche et en fait pourquoi la niche en fait est cruciale en e-commerce. Pourquoi vous ne devez pas vous éparpiller? Pourquoi vous ne devez pas être de la niche fitness, être dans la niche high-tech? Pourquoi ne pas être de la niche beauté, être de la niche tout ce que vous voulez? Donc, il faut déjà savoir en fait qu'une niche représente un segment spécifique et ciblé de marché plus vaste. Par exemple, au lieu de cibler des produits par exemple de fitness, vous pourriez tout simplement en fait vous spécialiser dans les vélos d'appartement pliables. C'est aussi une niche. Ça veut dire que en fait le choix de niche en fait vous permet de vous concentrer sur un public plus restreint, même plus engagé. Ça veut dire que on suppose que vous avez toute la population du Bénin. Vous avez toute la population du Bénin. Chacun en fait a un truc qu'il aime. C'est vrai que j'aime la niche high tech, ça ne veut pas m'empêcher d'aimer la niche mode. Je peux très bien acheter des produits des deux niches. Mais en fait, vous devez savoir que tout comme les entreprises physiques, vous devez en fait vous spécialiser, parce que si vous n'êtes pas spécialisé, vous n'allez pas vraiment toucher une audience, vous ne saurez pas vraiment quoi proposer aux gens, et puis vous ne serez pas vraiment, c'est pas professionnel, vous voyez, ce n'est pas optimisé, ce n'est pas bien. Aujourd'hui on sait que aujourd'hui vous vendez du bois, demain c'est ordinateur vous vendez, après demain c'est sac. Non, vous devez être répertorié, on doit savoir en fait dans quoi vous êtes. Et puis c'est grave, c'est une erreur très très très grave d'être en e-commerce et de ne pas être dans une niche précise. C'est le décor en fait, parce que les algorithmes et le SEO que vous allez mettre en place sera pollué. L'algorithme ne vous mettra jamais en avant, vous serez toujours les derniers. L'algorithme ne sera même pas en fait où à qui vous recommandez, parce que vous êtes un peu éparpillé. Et les moteurs de recherche par rapport en fait aux stratégies, SEO en fait qu'on va adapter les moods. Genre, ça n'aura pas de résultats. On va travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'aura jamais de résultats. Donc, je reprends en fait une niche. Tout simplement, en fait, elle représente un segment spécifique et ciblé en fait de marché plus vaste. Vous voyez? Et donc, lorsque par exemple, je prends tout l'exemple des produits fitness, hein, lorsque vous êtes dans la. Vous voulez cibler par exemple des produits fitness, vous pourriez tout. Au lieu de cibler des produits par exemple fitness, pardon, vous pourriez tout simplement vous spécialiser dans des vélos d'appartement pliables. Quand on dit vélo d'appartement pliable, c'est simplement genre parler de la niche baby, c'est tout. C'est une autre façon en fait genre de parler de cette niche là. Genre outils de bébé par exemple. Oui. Le truc c'est que le choix de la niche en fait elle vous permet genre de vous concentrer vraiment genre sur un public plus restreint, parce que plus votre audience est restreinte, plus vous avez des possibilités de genre de les toucher une fois, de les toucher deux fois, parce que genre vous saurez en fait avec le temps comment toucher en fait cette audience là et comment la maintenir. Ouais, maintenant si en fait c'est que vous êtes papier, vous ne savez pas, vous ne saurez pas vraiment qui toucher, quelle tranche d'âge toucher, quelle est la position géographique des gens à toucher, tout ça. Vous voyez, donc c'est plusieurs paramètres en fait à prendre en compte. Maintenant, pourquoi en fait le choix de la niche est crucial en e-commerce ou bien dans notre système ici? Tout simplement parce que choisir une niche spécifique, elle signifie en fait moins de concurrence directe. Vous voyez? Ce qui peut augmenter en fait vos chances de succès. Et en plus, et ce qu'on en fait peut ajouter à ça, c'est que ça vous permet de mieux comprendre les besoins, les désirs de votre public cible. Ce qui facilite tout simplement la création de contenu pertinent. C'est tout aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'une niche? C'est, vous savez maintenant ce que c'est qu'une niche, c'est juste un segment de marché, c'est juste une portion d'une population, d'un grand public qui aime ou bien qui est intéressé par des produits spécifiques ou bien qui est intéressé par un truc spécifique en fait, vous voyez. Et par rapport à ce truc spécifique là, on peut lui proposer différents produits et puis cette audience là va vraiment apprécier. Ouais. Maintenant, pourquoi en fait le choix il est crucial? Je viens en fait genre de l'expliquer. Il est crucial tout simplement parce que ça signifie moins de concurrence directe. Parce que si c'est que vous devez tout vendre, vous serez en concurrence avec tout le monde. Or, si vous êtes dans un registre particulier, vous ne serez qu'en concurrence en fait avec les gens de ce registre là. Si aujourd'hui vous vendez des ordinateurs, vous serez en concurrence avec ceux qui font des ordinateurs. Or, eux ils le font tout le temps. Ça veut dire que eux ils seront optimisés, ils sont reconnus pour ça. Mais si vous levez, c'est bon, c'est une fois que vous le faites, les gens ne savent pas. Si demain c'est que c'est du bois vous vendez, les gens ne savent pas. Après demain vous changez de produit, ça ne marche pas comme ça. Ça c'était la leçon 1. Au niveau de la leçon 2, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? La leçon 2, nous allons parler ici en fait des avantages et des inconvénients du système Amazon. L'avantage de tout, c'est que lorsque en fait, vous êtes affilié, vous avez en fait accès à une vaste gamme de produits en fait de confiance. Vous voyez? Ce qui signifie en fait que vous pouvez promouvoir en fait des articles dans presque toutes les niches, même les niches qui sont inimaginables. Ça veut dire que par exemple pour Amazon, vous avez des millions de niches que vous pourrez avoir, même des produits que vous ne pensez pas, vous pouvez trouver et vous spécialiser en fait dans ça. Donc ici en fait dans une formation e-commerce, on ne vous dira jamais voici les niches qui existent. Aujourd'hui la concurrence est devenue tellement rude que avant on parlait même de niches. Par exemple, si je suis dans la niche bébé, je peux vendre des biberons, je peux vendre des vêtements de bébé, je peux vendre des vélos pliables, je peux vendre des jouets de bébé. Aujourd'hui la concurrence est tellement devenue rude en e-commerce que les gens se concentrent même uniquement seulement dans la vente de vélos pliables. Et ça, c'est leur niche. Les gens se concentrent uniquement sur, par exemple, les biberons. Ils vendent différents types de biberons. Et puis ça, c'est une niche. Pour encore avoir moins de concurrence. Parce que moins la concurrence est, plus vous vendez, plus vous êtes rentable en fait. Vous comprenez? Et donc, vraiment, en tant qu'affilié Amazon, c'est vraiment... cette chance là qu'on a, vous avez l'opportunité genre de toucher à tout ce qui n'est présent dans aucun système d'e-commerce. Aucun, il n'y en a pas qui offre la large gamme qu'Amazon offre. Il n'y en a pas. Vous pouvez faire vos recherches, donc c'est à vous vraiment d'aller faire des recherches sur tout ce qui peut avoir comme comme niche et vous vous spécialisez dans, bon, on va se spécialiser dans une des niches après quand même une minutieuse étude et un minutieux suivi de du genre du protocole en fait. Donc protocole que nous allons voir par la suite. Du coup, voilà, l'avantage déjà, on a assez en fait à cette phase comme là de produits de confiance. Et en fait, ça signifie que, en tout cas, on peut promouvoir genre, vraiment tout ce qu'on veut. Et en fait, de plus, les taux de commission en fait de Amazon sont vraiment les plus attrayants. Vous voyez, contrairement par exemple au dropshipping où bon, là-bas c'est vous-même qui fixez en fait votre marge de bénéfice, bof, hein. Oui, on pourrait penser que c'est plus rentable, mais en réalité, c'est pas plus rentable. Et par rapport quand même à tous les autres systèmes, les autres systèmes, c'est disons c'est 2%, c'est 1,5%, non. Mais ici, vous êtes limite à 7, 8, voire 10% jusqu'à 11% de commission en fait sur les produits. Vous voyez, c'est assez énorme. Maintenant, le piège potentiel à éviter, c'est que qu'il y a, c'est qu'il y a une concurrence féroce en fait dans le monde de l'e-commerce Amazon. La concurrence, elle est féroce, elle est terrible en fait. Très, très, très rude. Et donc, en particulier dans les niches populaires, vous voyez, les niches où on vous dit, voilà, c'est la plus rentable et tout, cette niche, ça marche bien et tout, la concurrence, elle est encore plus féroce en fait au niveau en fait genre de ces niches-là. Et en fait, de plus, lorsque vous êtes en fait un affilié, vous dépendez des politiques et des changements d'Amazon, ce qui peut influencer vos revenus. Parce que lorsque, voilà, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui ont vraiment le monopole. Lorsqu'ils disent, bon, à partir de demain, nos taux de commission change, vous passez de 10% à 1,5%. Mais c'est si, mais vous n'avez pas le choix. Soit vous acceptez, soit vous partez en fait. Ouais, donc il y a cette dépendance-là vis-à-vis de qui est, voilà, un peu un obstacle quand même. Voilà, vu que c'est pas nous-mêmes qui décidons genre de ce qui peut se passer, notre sort il est vraiment dans les mains d'autrui. Mais bon, on a toujours fonctionné comme ça. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au module 1 qui est l'introduction quand même au choix de la niche. Et j'espère que l'objectif est atteint, l'objectif est de comprendre l'importance de choisir la bonne niche pour le succès en fait en e-commerce. Je pense que l'objectif il est atteint. J'espère que chacun de vous l'a compris, l'a saisi au plus profond de lui-même. Donc nous allons passer au module 2 qui est la recherche de la niche. Ici, l'objectif sera d'apprendre à identifier des niches de marché prometteuses. Donc nous allons le faire aussi en deux leçons. La première leçon qui sera la méthode de recherche de la niche et la deuxième leçon qui sera l'évaluation de la demande et de la concurrence. Quand nous allons prendre la leçon, la première leçon par rapport à ce module-là qui est le module qui est recherche de niche, la leçon 1 qui est méthode de recherche de la niche, nous allons parler de deux points essentiels à ce niveau. C'est déjà par rapport à l'utilisation en fait des outils de recherche de mots-clés. Par exemple, si vous utilisez Google Keyword Planner ou bien des outils payants comme Aref, vous pouvez en fait rechercher des mots-clés liés à votre domaine d'intérêt en fait pour découvrir les niches potentielles. Par exemple, si vous êtes intéressé par, j'en parle, le camping, hein, vous pourriez par exemple chercher des mots-clés comme tente de camping légère pour identifier en fait la niche. Vous voyez, j'en peux savoir en fait dans quelle niche elle est. C'est un peu comme ça. Maintenant, par rapport à l'analyse de tendance de marché, vous devez tout simplement suivre genre, les tendances actuelles. Vous voyez, ça veut dire que vous devez aussi être tout le temps en train de vous informer. Donc, analyse de tendance de marché. Vous devez tout simplement suivre les tendances actuelles dans les secteurs qui vous intéressent. Par exemple, si la vente de vélos électriques pliables vous intéresse et que, par exemple, j'en suis en croissance, ça pourrait être déjà une niche à considérer. Et donc, Google Trends, en fait, est un excellent outil pour ça. Vous voyez, et bien, vous permettre genre, de connaître vraiment genre, la niche et puis ce qui marche, ce qui est vraiment en progression. Oui, donc ici, en fait, on a deux méthodes. La méthode genre des tendances et la méthode genre d'utilisation des outils. La méthode des tendances de marché, c'est que vous avez eu, par exemple, vent, qui est un produit de cette niche-là, ou bien il y a ce produit-là qui marche. Maintenant, comment trouver, en fait, la niche? Lorsque, en fait, vous... Parce que vous devez, en fait, vous mettre à la place des gens. Si, par exemple, je suis de la niche animalerie et vous voulez, par exemple, chercher les mots peut-être de même famille que... Voilà, disons, parlons de mots de même famille. Vous voulez chercher les mots de même famille que animalerie. Genre, en fait, les mots clés, en fait, c'est des mots qui... Genre, que les gens sont susceptibles de rechercher quand même pour pouvoir trouver des résultats. Vous voyez? Si, par exemple, j'ai envie de découvrir, en fait, le business en ligne sur... Le business, en fait, à lancer en ligne. Et que je vais sur Google. Qu'est-ce que je peux taper, par exemple, genre, pour pouvoir avoir les résultats là que je veux? Je cherche des business en ligne rentables. Je peux taper, par exemple, business en ligne. Je peux taper rentable. Je peux taper business rentable en 2023. Vous êtes d'accord avec moi que ça va, en fait, me sortir des résultats assez optimisés. Donc, par rapport à ça, vous devez savoir que les mots clés, en fait, ce sont des mots qu'on peut rechercher pour pouvoir quand même trouver des résultats spécifiques pour nous permettre genre de se positionner quand même sur certaines niches. Vous voyez? Donc voilà vraiment les deux méthodes qu'on a, la méthode de genre d'outils de recherche ou bien la méthode des tendances. Ça c'est pour vraiment savoir genre apprendre à identifier en fait les niches de marché prometteuses. La deuxième leçon sera l'évaluation de la demande de la concurrence. Par rapport à ça, vous devez savoir que bon, genre comment en fait on va évaluer genre une demande pour une niche. Si vous utilisez toujours Google Trends, Google Trends, T-R-E-N-D-S, Google Trends, pour voir en fait si la demande augmente ou diminue au fil du temps, vous allez tout simplement rechercher également des forums ou des groupes Facebook ou des communautés en ligne liées en fait à la niche pour vraiment comprendre les besoins des consommateurs. Ça veut dire en fait que vous devez faire une recherche vraiment partout. C'est une recherche sur tous les réseaux, c'est une recherche, disons c'est carrément un projet que vous proposez en fait, c'est un projet que vous êtes en train de mettre en place. Et donc il y a vraiment des étapes vraiment à suivre. Vous explorez un peu le tout pour savoir vraiment ce qui marche, parce qu'on va pas seulement se contenter genre de Google. Google, oui, Google va nous sortir en fait les résultats de l'ensemble de tous les sites web du monde, mais ça n'aura pas nous sortir des résultats. En fait, c'est vrai qu'on aura des résultats, des trucs optimisés sur les réseaux sociaux, mais ça sera vraiment limité. Ouais, donc les réseaux sociaux en fait c'est vraiment une autre part, c'est vraiment une autre part, c'est vraiment une partie en fait réelle à explorer. Vous comprenez un peu? À explorer. Donc Google oui, mais aussi les réseaux sociaux. Donc voilà, par exemple, si vous remarquez par exemple une forte augmentation des discussions sur les produits de fitness par exemple à domicile, cela peut indiquer une demande croissante. Si les gens en parlent, c'est que la demande elle est à la hausse. Maintenant, par rapport à l'analyse de la concurrence existante, vous devez tout simplement effectuer des recherches sur Amazon pour voir combien de concurrents vendent les produits similaires dans votre niche. Vous faites une recherche sur Amazon pour voir combien de concurrents. C'est vrai que vous n'allez pas voir, genre, c'est pas comme si quand vous allez taper ça, genre, vous allez voir le nombre d'affiliés. Non, non, non, non, non. Déjà, en fait, vous savez, sur Amazon, en fait, il y a plusieurs fournisseurs. Hein? Donc, quand vous allez taper, lorsque vous allez faire la recherche sur Amazon, d'un produit par exemple, vous allez forcément voir les fournisseurs qui proposent en fait ce produit. Lorsque c'est beaucoup, c'est trop, genre, il y a énormément de fournisseurs qui proposent genre, ce produit, même si c'est différentes marques, mais c'est quand même, genre, c'est le même produit, genre, on peut dire micro, mais peut-être, genre, on peut avoir les micros de Rode, on peut avoir les micros de genre BM800, on peut avoir des micros de condenseur, des micros, genre, différents types de micros, en fait, genre, différentes marques. Ouais, et puis par rapport vraiment à ça, c'est à ce niveau en fait que vous allez vraiment voir la concurrence qui existe. Donc quand en fait, quand vous effectuez la recherche sur Amazon pour voir en fait combien de concurrents en fait font le genre des produits similaires, vous allez tout simplement ensuite venir utiliser un outil comme Jungle et Scout comme Scout. Scout S-C-O-U-T, Scout, pour en fait obtenir des données précises sur la concurrence. Ouais, c'est vraiment je vous envoie aussi vers cet outil là, vers ce logiciel ou site web extension, si vous voulez, pour vraiment savoir en fait comment ça marche. un outil comme Jungle Scout pour obtenir en fait des données vraiment précises sur la concurrence. Et si vous trouvez en fait une niche avec une demande croissante et une niche modérée, c'est un signe positif. C'est un signe positif. Module numéro 3, la passion et l'intérêt. Passion et intérêt. Par rapport à la passion et l'intérêt, l'objectif ici en fait sera tout simplement d'intégrer vos passions et vos intérêts dans le choix de votre niche. C'est vrai, vous savez, lorsque vous êtes dans une niche par exemple, il y a ce qu'on va appeler les sous-niches. Vous savez, les sous-niches, c'est vraiment, c'est nouveau quand même. Lorsque par exemple, vous avez la niche high-tech, en sous-niche par exemple, vous pouvez avoir produits de gaming. Vous pouvez avoir matériaux, genre mobilier de bureau. Pour quel mobilier de bureau, c'est matériel, quand même, matériel informatique quand même de bureau. Vous pouvez avoir genre toute une variété en fait. Vous pouvez avoir genre plusieurs trucs. Je sais pas vraiment toute la liste, mais vraiment il y a plusieurs trucs qu'on appelle carrément les sous-niches. Et puis vraiment c'est à vous quand même genre de savoir en fait dans quoi vous allez rentrer. Mais tout ça toujours basé sur la passion et l'intérêt. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai, oui, on est guidé par le travail. Oui, c'est des chiffres qui nous guident. C'est vrai, ce n'est pas sur un coup de tête, on fait les choses et tout, oui. Mais vous savez, en dépit de tout, il y a toujours la passion qui nous guide. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, honnêtement, ce n'est pas la peine vraiment de vous lancer. Si vous n'avez pas un intérêt sur le long terme, même si vous vous lancez sur le long terme, vous allez ça vous fatiguer. Vous savez, donc c'est vraiment la passion, c'est quelque chose quand même qui va vraiment vous conduire, qui va vraiment vous aider à persévérer. C'est pour ça moi je demande toujours aux gens de mettre de la passion et de l'intérêt dedans. Donc l'objectif ici, c'est très simple, c'est d'intégrer en fait vos passions et vos intérêts en fait dans le choix de votre niche, c'est tout. Maintenant, par rapport à ça, oui, toujours en deux leçons, toujours la leçon. La première leçon ici, ça sera d'aligner en fait la niche avec vos passions. Aligner la niche avec vos passions. En fait, l'importance de travailler sur quelque chose qui vous passionne, c'est que si vous êtes passionné par la randonnée par exemple. Genre, je prends toujours différents exemples pour que vous puissiez voir que voilà, on n'est pas toujours concentré sur le même truc pour que voilà, j'essaie quand même de toucher ce qui passionne chacun de vous qui m'écoutez. Voilà, si vous êtes par exemple passionné par la randonnée, envisagez par exemple de promouvoir des produits liés aux équipements de randonnée par exemple. Vous voyez, donc travailler sur quelque chose qui vous passionne signifie que vous serez vraiment plus engagé, que vous aurez genre, et que vraiment vous allez produire du contenu de meilleure qualité parce que vous allez aimer ce que vous faites. Maintenant, comment trouver en fait une niche qui est alignée en fait avec vos centres d'intérêt? Pour l'idée bête, ce que moi j'ai fait, comment je voulais commencer, qu'est-ce que moi j'ai fait? Genre, vous êtes bon, je vous dis quand même, ce qui vous fait, ou bien genre, ce que moi j'ai fait par exemple, faites une liste tout simplement. Faites une liste, genre de choses, genre de vos passions, de vos centres d'intérêt. Et maintenant, recherchez en fait des niches correspondantes à chaque truc en fait que vous avez listé. Par exemple, si vous adorez la photographie, hein, vous pourriez par exemple vous spécialiser dans la promotion d'appareils photo et de les accessoires uniquement. Oui, donc c'est un peu en fait comme ça, vous pourrez trouver en fait une niche qui est alignée en fait sur vos centres d'intérêt. Donc l'importance quand même de travailler en fait sur quelque chose qui vous passionne, c'est que genre, sur le long terme, vous allez en fait aimer ce que vous faites. Vous voyez, donc travailler en fait sur quelque chose vraiment qui vous passionne, c'est que vous serez plus engagé, vous allez vraiment produire genre du bon travail, du contenu vraiment de meilleure qualité. Par rapport pour la leçon numéro 2, ici il n'y a pas vraiment grand chose, c'est juste la passion, l'intérêt et tout qui nous guide. Ouais. Donc, par rapport à la leçon numéro 2 ici, c'est que nous allons parler de l'étude de cas de niche passionnante. C'est différent du haut. La première leçon, c'était aligner la niche avec vos passions. Ici maintenant, c'est étude de cas de niche passionnante. Vous voyez, par exemple de succès, par exemple, Amazon, genre basé sur des expériences personnelles, hein. Par exemple, un blogueur, genre passionné de cuisine, hein, peut se spécialiser en fait dans la promotion de genre de robots de cuisine de haut gamme, robots de cuisine de haut gamme, genre de haut de gamme, pardon. Donc, en fait, ça lui permet de créer en fait du contenu authentique et d'attirer un public engagé. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Et donc, lorsque vous êtes passionné en fait par votre niche, ça se reflète dans votre travail et ça va forcément attirer un public qui est similairement passionné en fait. Vous voyez, c'est la passion qui attire la passion. Lorsque deux personnes ont le même sens d'intérêt, lorsque deux ou plusieurs personnes en fait sont passionnées par le même truc, forcément ils s'attirent. Vous comprenez? C'est un peu comme un homme et une femme. Si les deux aiment le manga peut faire que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, au fur et à mesure en fait de partager cette passion commune là, ça peut faire que ils vont tisser en fait de gens des liens plus forts, qui iront au-delà des mangas. Vous voyez un peu, c'est si on rapporte ça en fait à notre exemple ici, la passion des clients, des prospects que vous allez toucher, ça va se transformer en amour. Et l'amour ici en fait sera qu'ils acceptent ou qu'ils adhèrent à l'achat de vos produits quand vous allez commencer en fait à leur proposer d'acheter via vous, tout simplement. Donc en fait, ce plan en fait c'est juste pour vous s'offrir en fait des explications approfondies en fait et des arguments convaincants en fait sur le choix de la niche pour vous montrer que vraiment j'en sais pas un truc qui se fait j'en suis un coup de tête. Vous voyez, il faut vraiment prendre le temps. Honnêtement, le choix de la niche, il prend même jusqu'à un mois, deux mois, trois mois si vous voulez faire vraiment un travail de fond. Un travail de fond, vous voulez vraiment préparer un document pour arriver en fait à une conclusion finale. Si vous n'êtes pas encore fixé et tout, ça prend vraiment du temps. Genre, vraiment aller explorer des statistiques et tout et tout et tout. Faire vraiment un briefing de toutes les informations collectées pour pouvoir quand même avoir un vrai résultat. C'est réellement ça en fait. C'est vraiment le travail ça. Mais bon, c'est possible quand même genre, de prendre une journée aussi, genre de faire assez de recherches pour savoir vraiment ce qui marche par rapport à une niche. Voilà, donc les hommes concrets en fait vont vous démontrer, les hommes concrets, genre que je donnais plus haut, ils vont vous démontrer vraiment comment en fait chaque concept peut être appliqué dans la pratique en fait pour maximiser vos chances de réussite en tant qu'e-commerçant avec Amazon. Vous voyez, donc voilà. Par rapport, oui, ça fait déjà 3 modules développés. Il y a 5 modules. Le module numéro 4. C'est le potentiel de rentabilité. Ouais, vous savez, par rapport en fait à chaque module, vous devez prendre en compte chaque module en fait pour pouvoir faire le choix de votre niche. Ça veut dire que vous devez prendre en compte et le potentiel de rentabilité et votre passion et tout ce qui est dit en haut. Vous voyez, vous devez prendre module par module pour dire, ah, par rapport à ce module là, voici la niche qui en ressort. Par rapport en fait à ce module ici, voici la niche qui en ressort. Et puis après, on procède en fait par élimination. Vous voyez, donc voilà. Par rapport en fait au potentiel de rentabilité, leçon toujours en bon, module, toujours en deux leçons, avec pour objectif évaluer en fait le potentiel de rentabilité de votre niche, tout simplement par rapport à la première leçon, nous allons parler ici de l'analyse de la rentabilité potentielle. Donc, le calcul en fait des commissions potentielles, c'est que c'est l'une des principales sources de revenus en e-commerce Amazon. Et voilà quoi, genre, la principale source en fait, c'est les commissions. Les commissions en fait qu'on encaisse en fait sur les ventes. C'est la principale limite, disons la seule source. C'est vrai que voilà. Avec les efforts en fait que vous allez fournir, il y a généralement des chèques cadeaux qu'Amazon donne et tout. Bref, restons focus sur vraiment la principale source de revenus qui est les commissions en fait qu'on encaisse sur les ventes. Donc il faut en fait qu'on apprenne à calculer en fait les commissions pour les produits que vous envisagez de promouvoir. Par exemple, si un produit génère par exemple une commission de 5%, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai, il n'y a pas 5%. Généralement, il n'y a pas 5%. 5%, si vous voyez une niche qui est avec une commission de 5%, vraiment, c'est pas la peine d'y aller. Amazon vraiment propose de bonnes offres. On commence vraiment à partir de limite 7 ou bien 6 à la rigueur, disons. Mais minimum, moi, je propose 7%. Donc, voilà. Par exemple, si un produit, par exemple, génère une commission de 5%, hein, sur une vente, genre le produit coûte 100$, par exemple, ou bien il coûte 100€. Et que le taux de commission est de 5%, alors vous allez gagner combien sur cette vente? vous allez gagner 5% de 100 euros. Oui. 5% de 100 euros. Parce que, et lorsque, par exemple, cet acheteur, celui qui a acheté par exemple ce seul produit-là, il va décider par exemple d'en prendre, disons, 10. Ça va faire commission sur prix de vente unitaire fois nombre d'articles vendus. C'est la mathématique. Ça vous a tout simplement dit que votre commission, en fait, elle sera 5% des 100 euros multipliés par les 10 articles, en fait, que la personne il a acheté. Voilà comment se fait tout simplement le calcul des commissions potentielles. Ensuite, par rapport aux estimations des coûts, en fait, associés à la niche, vous devez savoir, en fait, que les coûts tels que l'hébergement, genre, de vos sites web, les outils de marketing, les frais de publicité payante, etc. Vous devez en fait soustraire ces coûts potentiels de vos commissions pour obtenir une réelle pour obtenir, genre pour connaître vraiment votre réelle rentabilité. Parce que les gens pensent que oui, voilà, genre t'as fait des ventes et tout, voilà, on voit, vous avez reçu une nouvelle commande, genre d'un article pour un total de 160 euros. Oui, les gens sont contents, les gens se disent wesh, il y a de l'argent, ouais. Je suppose que j'ai vendu 10 articles. Et que, en tout, disons, le total de commission, en fait, que j'ai encaissé, c'est 100 euros. Je suppose que j'ai encaissé 100 euros. Et que j'ai dépensé peut-être 25 euros en publicité. Si on s'arrête, en fait, au calcul où j'encaisse 5% de commission pas produit, le calcul s'arrête là, c'est faux. Le calcul, il est faux, il est archi faux. Il faut trouver, en fait, le montant total. Il faut trouver en fait le montant total, genre, que vous avez encaissé. Et puis, par rapport à ça, maintenant, vous allez soustraire en fait les frais que vous avez dépensés. Les frais de pub, les frais d'hébergement, tout ça, le marketing. Tout ça. Pour connaître votre bénéfice réel. Et c'est en ça que les gens ne comprennent pas. Et puis, ils pensent que le e-commerce, c'est genre, on est rentable du jour au lendemain. Vous serez rentable dans la mesure où, sur le temps, sur le long terme, vous allez en fait trouver des stratégies, vous allez trouver des manières d'optimiser en fait ces différentes méthodes-là pour déjà dépenser moins en publicité et gagner plus, dépenser moins pour faire plus de ventes. Et c'est vraiment l'objectif en fait c'est vraiment ce que moi je souhaite en fait à chacun de vous. Oui, c'est vraiment ce que je vous souhaite et je nous souhaite. Parce que le tout, c'est difficile en vrai. C'est difficile. Parce que il y a des gens qui font beaucoup, ils doivent faire beaucoup d'efforts avant d'avoir un peu de résultats. Et les gens, quand ils font un peu d'efforts, ils ont beaucoup de résultats. Donc, chacun en fait a sa façon de travailler. Et vraiment, ce que moi je souhaite, c'est qu'on dépense le moins possible pour avoir plus de résultats. D'ici là, je vous vois déjà ne mettre que 150 euros en publicité pour vous faire réellement des bénéfices de disons 800, 900, pourquoi pas 1000 euros. C'est bien possible. Vous voyez, tout est question en fait d'optimiser en fait le processus. Lorsque vous faites un truc qui ne marche pas, ou bien lorsque vous avez fait un truc et puis ça a marché, vous essayez de voir comment je peux faire pour dépenser moins et tout. Et puis vous prenez des décisions. La deuxième leçon par rapport toujours à notre module potentiel et rentabilité, c'est l'étude de cas de niche rentable par exemple. Un centre de niche ayant déjà généré en fait des revenus substantiels. Genre, vous devez tout simplement explorer des exemples concrets de niches qui ont été particulièrement rentables par des gens qui ont déjà en fait pris par vous, par des affiliés et tout. Vous pouvez quand même voir, vous pouvez faire des recherches. Genre, par exemple, cette niche là, si on sait. Genre, c'est rentable en fait, à quel pourcentage, etc. Vous voyez? Par exemple, la niche de produits de beauté de haut de gamme. La niche de produits genre de haut de gamme, ou bien celle des équipements de remise en forme, ont montré un fort potentiel de rentabilité par exemple. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. À vous, genre, d'aller faire vos recherches pour savoir quelles sont les niches vraiment qui rapportent gros, quelles sont les niches vraiment qui sont vraiment rentables et tout. Et donc, le potentiel de rentabilité, si vous vous rappelez bien de la généralité, j'avais déjà dit comment il faut faire pour savoir qu'une niche est rentable. Comment faire? Genre, quel est l'indice qui vous permet en fait de dire qu'une niche est rentable? Vous comprenez? C'est tout aussi simple que ça. par rapport maintenant au module 5, qui est le dernier module de Jean de la Niche, qui est la validation de la niche. L'objectif ici sera de confirmer le choix de votre niche avant de vous engager pleinement. Oui, donc vraiment, les 4 points précédents que nous avons développés sont à écouter, à réécouter. Parce que lorsque vous allez prendre un seul point, le travail qu'il y a à faire, en fait, qu'il y a à faire pour chaque point, il est énorme. Donc, vous voyez déjà le travail genre, que vous avez à faire par rapport à chaque point. Donc, au niveau du module 5, qui est la validation de la niche, vous avez comme objectif ici de confirmer le choix de votre niche avant de vous engager totalement, pleinement, tout ce que vous voulez. Toujours en deux leçons, j'aime toujours faire la chose en deux leçons, j'aime pas dépasser trois en deux leçons. Le premier sera les tests préliminaires. Les tests préliminaires, tout simplement, vous pouvez en fait créer peut-être un formulaire ou bien un questionnaire pour demander aux gens leur avis, par exemple. Vous leur proposez des niches et puis vous pensez, vous leur demandez selon toi quelle est la niche la plus rentable, selon toi quelle est la niche qui peut intéresser, selon toi vous pose en fait différentes questions, selon toi cette niche là est-ce qu'elle est plus masculine ou bien féminine, et puis vous essayez d'avoir en fait des retours de gens de proches, des gens que vous connaissez pas, vous pouvez mettre comment on appelle les liens de des sondages en fait que vous allez créer sur des plateformes où les gens par exemple discutent de sujets similaires sur des forums, etc. Pour pouvoir avoir des retours, et puis tout ça en fait ça vous aide en fait à prendre des décisions. Peut-être en fait que le travail que vous avez fait ou bien la logique dans laquelle vous êtes, les gens, la majorité en fait les gens n'est pas de cette logique, vous voyez. Donc il faut quand même aussi avoir l'avis des gens avant de vous lancer pleinement. Oui, donc vraiment la création d'un formulaire pour pouvoir avoir le maximum d'informations, le maximum de renseignements, il est vraiment, c'est très très très important. Très important. Et donc voilà, vous allez poser en fait toutes les questions possibles, hein, tout ce que vous pouvez proposer, poser comme question pour pouvoir avoir, le maximum d'informations, vous voyez. Est-ce que c'est des questions par rapport au contenu de qualité? Est-ce que c'est par rapport en fait aux stratégies de marketing que les gens peuvent qu'est-ce par exemple vous pouvez demander aux gens par rapport en fait à ces produits là? Quels sont les produits que toi tu peux acheter? Dans quel produit toi tu peux mettre de l'argent, etc., etc., etc. Vous voyez, le maximum d'informations, j'en peux vous aider. Il n'y a pas une seule information inutile qui ne puisse pas quand même vous aider à prendre une décision. Donc, vous allez vraiment mesurer en fait le taux de... Vous pouvez même voir le taux de conversion et le commentaire des gens et tout. Le taux de conversion, bon, ça peut être sur des sites que vous allez voir, des sites qui proposent des statistiques et tout, vous pouvez voir et tout. Et voilà, il faut vraiment tenir compte de l'avis des gens et des commentaires des visiteurs sur les différents sondages que vous allez créer pour avoir des informations. La deuxième leçon est tout autour des mesures des résultats. Vous allez tout simplement analyser les statistiques pour pouvoir évaluer la viabilité de la niche. J'ai bien dit la viabilité de la niche. Donc, vous pouvez utiliser en fait des outils d'analyse pour examiner les performances de votre niche de test. Bon, ici, il n'y a pas de niche de test ici. Il n'y a pas de niche de test. Donc, nous allons tout simplement faire recours en fait à nos formulaires, au sondage en fait que nous avons créé. Ouais. Vous allez voir les statistiques pour vraiment savoir en fait ce qui marche, prendre des décisions, c'est tout. Et donc, si les résultats de vos sondages ne sont pas encourageants, il est peut-être nécessaire de revoir en fait la façon dont vous avez reformulé les questions, bien les niches peut-être que vous avez proposé aux gens, ou bien vraiment ça vaut de voir ici de personnaliser pour savoir si les résultats ne sont pas encourageants. C'est à vous de savoir ça, est-ce que c'est que les gens n'ont pas vraiment compris le formulaire, ou bien est-ce que je ne leur ai pas proposé assez d'options pour pour qu'ils puissent faire un choix. Parce que si vous proposez en fait vous posez des questions aux gens, il faut leur proposer en fait des options pour avoir des résultats un peu plus optimisés. Mais si en fait c'est eux-mêmes qui doivent réfléchir en fait, vous n'aurez jamais de bons résultats en fait sur vos sondages. Oui, donc voilà un peu. Et donc il est nécessaire vraiment de revoir en fait le formulaire, genre le fond du formulaire. Et donc, il est préférable vraiment de le faire en fait à ce stade-là, plutôt que de s'engager pleinement dans une niche qui ne fonctionne pas, et puis après se rendre compte des erreurs en fait qu'on est en train de faire et tout. Donc, voilà. Maintenant, par rapport à chaque module, par rapport à chaque module en fait dont nous avons parlé, nous allons en fait trouver, je vais vous donner en fait des exemples, vous voyez, par rapport en fait à chaque module. Et donc, vous allez voir, par exemple, quand nous allons revenir sur le premier module, le premier module qui est introduction au marché, pardon, introduction au choix de la niche. Au niveau de la leçon numéro 1, on a demandé, la leçon 1 qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une niche ?» L'exemple en fait que moi je peux vous donner ici, c'est que, imaginez que vous êtes un passionné genre de fitness, et que au lieu de promouvoir des produits de fitness, j'allais donner ça en rose, si je reviens en fait là-dessus, si vous décidez de vous spécialiser en fait dans les vélos d'appartement pliables, ça signifie que votre niche, elle est spécifique et ciblée. Vous voyez, vélo d'appartement pliable. Pourquoi le choix de la niche, il est crucial? Vous allez en fait comprendre que dans le marché du fitness, par exemple, la concurrence, elle est intense. Oui. Donc, en vous concentrant, par exemple, sur les vélos d'appartement pliables, vous avez en fait moins de concurrents directs. Cela signifie en fait que vous pouvez en fait mieux répondre aux besoins de ceux qui cherchent spécifiquement en fait ce type de produit. Vous voyez? Par rapport aux avantages et inconvénients de l'e-commerce Amazon, en tant que affilié Amazon, vous avez accès en fait à une immense variété de produits. Je vous l'ai dit un peu plus haut. Par exemple, si vous êtes dans la niche des vélos d'appartement pliables, Amazon va vous proposer de nombreuses options de produits. Et donc, vous pouvez maintenant vraiment promouvoir ce qui correspond vraiment le mieux en fait à votre public, parce que lorsque vous allez faire la publication et tout, vous allez voir en fait les âges, vous allez voir les âges de ceux qui voient vos publications, les âges de ceux qui tournent sur votre site, et puis vous allez savoir en fait quel type de vélo pliable il faut le suggérer. Oui, donc voilà. Vraiment, il faut réaliser en fait qu'il y a d'autres personnes en e-commerce comme vous qui sont en train de promouvoir les mêmes produits que vous. Donc, vous devez être conscient de la concurrence et travailler vraiment sur des stratégies uniques pour vous démarquer, tout simplement. Par rapport à la recherche de la niche, vous pouvez tout simplement décider d'utiliser Google Keywords Planner, Google Keywords Planner par exemple, pour rechercher des mots clés liés au vélo d'appartement pliable par exemple. Vous voyez, ça permet de découvrir en fait de nombreuses personnes qui recherchent des informations sur ce sujet. Et en utilisant Google Trends, par contre, vous allez constater que la demande pour les vélos d'appartement pliable, elle augmente régulièrement, ce qui indique que cette niche là, elle est tout simplement croissante. Évaluation de la demande de la concurrence. Ici, vous allez explorer vraiment des forums de fitness et des groupes Facebook, tout ce que vous voulez, des commentaires Instagram, vraiment, vous fouillez un peu partout où les gens discutent vraiment de leurs besoins en matière de fitness vraiment à domicile. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vraiment, c'est un exemple que je donne, c'est adapté. C'est un exemple que je donne pour que vous puissiez vraiment comprendre et tout. Donc, fitness, c'est pas seulement tout, chaque niche et tout, vous allez vraiment adapter mon explication en fait à chaque niche. Et donc, vous allez explorer tout ce truc là pour voir en fait de quoi vraiment discutent les gens. Et ça va permettre de vous, vous allez remarquer qu'il y a une tendance à la recherche de solutions pratiques, parce que si les gens se plaignent, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, si vous pouvez trouver en fait un produit qui va résoudre en fait ce problème, c'est le jackpot. Oui. Donc voilà. En effectuant des recherches sur Amazon, vous allez découvrir en fait qu'il existe en fait des variétés de vendeurs de vélos d'appartement pliables. Et donc, vous allez constater que certains modèles en fait ont moins de critiques que d'autres. Et ça veut dire que ça peut déjà vous donner en fait un indice. Ça peut indiquer une opportunité pour une promotion vraiment plus efficace. Vous voyez? Donc, quand nous allons maintenant venir en fait à la passion et à l'intérêt, passion et intérêt, c'est que, je pense que ça, je l'ai dit vraiment de long en large, en haut, un peu plus précédemment. En tant que passionné en fait de fitness, la promotion de produits de fitness, y compris des vélos d'appartement pliables, est une évidence pour vous en fait. Oui, vous êtes vraiment enthousiaste à l'idée de partager en fait vos connaissances et vos expériences par rapport à ça. Donc voilà, votre passion genre pour la randonnée ou bien le fitness, elle va se refléter sûrement en fait dans votre genre dans le choix de la niche. Et donc vous devez tout simplement envisager également genre de promouvoir des produits connexes tels que des équipements de randonnée, des accessoires de fitness. Quand il y a accessoires de fitness, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Je parle genre des haltères, des vélos, genre des tapis roulants. Mais par exemple, une erreur par exemple à ne pas à éviter, c'est d'éviter genre, c'est vrai que vous pouvez aussi promouvoir ou bien vous pouvez recommander en fait des maillots de genre de sport ou bien genre des vêtements de sport, mais les vêtements de sport en fait, c'est un peu de la niche mode ou bien de la niche vêtements. Vous savez, lorsque nous allons prendre la niche vêtements, il y aura une niche qui sera vêtements de sport uniquement pour femmes. Vêtements de sport uniquement pour enfants. Vêtements de sport uniquement pour adultes. Ouais, donc il y a vraiment des gens qui sont concentrés vraiment sur des produits spécifiques. Et si vous voulez vraiment rivaliser avec ceux-là, ça ne marchera pas. Donc voilà un peu. Et donc voilà ce qu'on peut dire par rapport quand même à la passion et à l'intérêt. Donc vous allez vraiment découvrir l'histoire genre, d'un blogueur passionné de cuisine par exemple qui s'est spécialisé genre, dans la promotion de robots de cuisine haut de gamme, et donc son enthousiasme en fait pour la cuisine s'est traduit en fait par un contenu authentique et informatif, et donc à partir de là il a commencé en fait à attirer un public engagé vraiment, et ça lui a commencé en fait à générer en fait des commissions assez importantes. Donc il faut en fait que ça vous inspire en fait à suivre en fait une voie similaire avec vous, vos passions pour le fitness, pour la randonnée ou bien pour ceux dont vous avez des passions spécifiques. Donc voilà, ce sont en fait des exemples concrets genre, qui montrent comment en fait chaque leçon genre, de notre plan de formation genre, sur le choix de la niche peut être en fait appliqué dans la réalité, tout en mettant en avant en fait vos intérêts, en identifiant les opportunités genre de niche et qui va vous aider vraiment à prendre des décisions assez éclairées sur j'en suis le programme e-commerce dans lequel nous sommes. Donc voilà un peu par rapport quand même au point 4 et 5, rentabilité, c'est vraiment des exemples concrets un peu plus haut. J'avais déjà parlé genre de comment calculer la rentabilité par rapport à la valorisation de la niche. Je ne pense pas qu'il y ait des exemples, c'est vraiment là à ce niveau un brainstorming genre de tout ce qui a été fait et tout ça. Donc voilà un peu chers amis, c'est la fin de genre de la niche. Il y a énormément quand même de choses que j'ai dit ici par rapport à chaque module. Vous devez prendre chaque module, chaque leçon, vous appliquer vraiment vraiment aller au fond, parce que là c'est dit hein, nous sommes à pratiquement 50 minutes, mais ce qui est dit vraiment c'est dense, et donc vous devez vraiment prendre chaque leçon, chaque module, vous approprier vraiment de ce qu'il faut faire pour vraiment réussir en fait cet exercice, parce que si vous ratez le choix de la niche, tout est zéro, ce que vous allez faire par la suite et tout sera zéro. Oui, vous allez beau travailler, vous aurez beau dépenser en publicité, vous aurez beau élaborer des stratégies, vous aurez beau rédiger de belles descriptions, de belles fiches produits, mais parce que vous n'avez pas bien identifié genre, la niche qu'il vous faut, la niche vraiment adaptée, ça ne marchera pas, vous n'allez pas chiffrer, puis vous allez peut-être penser genre, que c'est le contenu genre, de la formation qui n'est pas bon ou bien quoi, alors qu'en fait l'erreur elle est à votre niveau. Voilà, donc c'est vraiment genre ce qui se dit de façon classique, c'est ce qu'on dit à tout le monde, à tous ceux qui rentabilisent, c'est ce qu'on m'a dit, et voilà, avec un peu plus de valeur ajoutée, parce que j'ai ajouté un peu du mien, ce que je juge assez important, j'ai ajouté un peu de mien, et voilà, je pense que avec ces informations là vous avez quand même un plan, vous avez oui, un plan, vous avez tout ce qu'il vous faut quand même pour faire un bon choix de niche. Donc, le reste est à vous. Dans le développement, je pense que je vous ai dit en fait ce qu'il faut faire. Vous allez faire vos recherches par rapport aux niches. Vous allez vraiment faire d'abord sur les niches existantes. Quelles sont les niches qui existent? Ensuite, vous allez procéder genre, par élimination, au niveau de la passion, quelles sont les niches que j'aime et tout, genre vous allez éliminer et tout. Par rapport maintenant à chaque module, lorsque je, par exemple, j'ai fait ma liste genre de niches, par exemple, quand je prends chaque module, ce module-là, par rapport, genre, ce que ce module demande, les exigences de ce module, je pense que, genre, d'après mes recherches, c'est cette niche-là qui vient en première position. Cette niche-là, c'est ça que je dois choisir si je dois, en fait, me conformer, en fait, aux exigences, genre, de ce module. Et puis, à la fin, vous allez vraiment voir quel module revient souvent, quel module et tout, et c'est quel module. Donc, c'est vraiment ça qui va vous aider, en fait, à prendre une décision définitive, genre, sur le choix de votre niche. Donc, voilà. Je pense que nous sommes à la fin genre de module, genre de notre première partie qui est le choix de la niche. Tout a été dit là-dessus et voilà, nous allons garder le contact, nous allons continuer sur le point 2 dans le prochain épisode.